Unité 2, leçon 1. Document 1, page 26. Alors, ta petite fête au bureau hier soir ? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant ? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par deux ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi ? Pour mettre des antennes de radio, non ? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la Tour Eiffel ? Incroyable ! C'est le monument le plus célèbre en France. Eh oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot ! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider ?